Quand partirez-vous ? Je partirai bientôt. 1. Quand reviendrez-vous ? Je reviendrai bientôt. 2. Quand téléphonerez-vous ? Je téléphonerai bientôt. 3. Quand m'écrirez-vous ? Je vous écrirai bientôt. 4. Quand nous reverrons-nous ? Nous nous reverrons bientôt.